Il est 19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue d'Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Comment allez-vous bien en ce dernier mardi d'octobre? Il fait froid, il pleut, et bien c'est le temps idéal pour rester chez soi, à écouter du métal confortablement installé dans son fauteuil préféré, avec une bonne bière ou un bon scotch. Ça peut être pas mal. Donc voilà, vous êtes bien installé pour vous décrasser les oreilles pendant 2 heures, comme tous les mardis, avec du métal sous toutes ses formes, hein, du plus dur au plus doux, entre guillemets. Et donc ce soir, j'aurai des nouveautés à vous proposer, bien évidemment, comme toutes les semaines, qui seront au nombre de 4. Donc il y a un peu de tout, comme toujours. Puis d'abord, je vais en profiter aussi pour féliciter l'ami Roger qui nous a accompagné la semaine dernière, avec qui on a parlé du salon du disque. Je sais que beaucoup d'entre vous y ont été dimanche, et bravo pour l'organisation, c'était vraiment sympa, il y avait vraiment beaucoup de choses à voir, la qualité d'exposants était là, le site était vraiment bien pour un truc provisoire, du beau boulot. Donc Roger, merci encore de nous avoir fait ce petit salon encore cette année, où on a pu dégoter quelques petites merveilles. Bon, maintenant, en commençant en musique, on va faire un petit tour en Hongrie, déjà vous connaissez bien, avec un groupe qu'on connaît depuis quelques semaines, Moby Dick, qui est un pilier de la scène hongroise, et son dernier album Therapia qui est sorti cet été. Le morceau de ce soir s'appelle Valószág. Et bien d'ailleurs, j'en profite pour lancer un petit appel aux auditeurs et aux auditrices. Si quelqu'un peut me traduire ce que veut dire Valószág, qu'il ou elle appelle au 02 38 43 48 00, comme ça je me sentirais un peu moins bête. En attendant, on découvre Moby Dick. Hogy szépítsen, a kedve tartja, felágoz. A valóság egy félisten, ne kíván, hogy szépítsen, a kedve tartja. Se tiszták, de az éhes füleim iszták, kezd újra a véget ér. Szeress még, és ha elfogsz az ölelésben, akkor folyt meg a sötétben, legyen végtelen nekem a kény. Az úgy még, a dallam soha se tiszták, de az éhes füleim iszták, szeress még, és ha elfogsz az ölelésben, akkor folyt meg a sötétben, legyen végtelen nekem az ég. Feucht meg a sötétben. Et un extrait de l'album de Road, Fake You Tell, qui était sorti en 2013. Et là, on peut le trouver également sur le best-of Unantold Dig, qui est sorti cette année, dont on vient donc de vous gratifier d'un extrait à l'instant. Toujours venu de Hongrie également, les Fous Furieux de Moby Dick et leur album Therapia, tout chaud tout bouillant, qui est sorti à la fin de l'été. Et c'était le morceau Valosag. Continuons toujours bien heavy avec un groupe que j'ai découvert pour ma part là, début octobre au Blue Devils, puisqu'il s'agit du groupe Absolva. Absolva qui faisait donc la première partie de Blaze Bailey, l'ancien chanteur de Maiden, et qui accessoirement aussi est le backing band du monsieur. Et du coup, bah, Absolva, comme ça m'a bien botté, j'ai acheté l'album et c'est pour ça que depuis quelques semaines, on vous en passe un petit peu le dernier Defiance qui est sorti en 2017. Et là, on va se faire le morceau Connection, un morceau assez épique, très maidenien, ça il n'y a pas à dire, mais bon, quand c'est bon. Qu'est-ce qu'il est bon cet album, je vraiment lasse pas depuis sa sortie au printemps. C'est le dernier Diamond Head, The Coffin Train, qui est vraiment une pure merveille. Là on a eu Until We Burn, juste avant Diamond Head. Eux aussi sont britanniques, c'est Absolva. Un groupe à mon avis plein d'avenir. Et extrait de leur album Defiance, leur dernier sorti en 2017. Et c'était le morceau Connections. Et puis normalement Absolva sera en studio en 2020, donc à suivre un prochain album. Je pense que je vais suivre ça vraiment de très près. Tiens, on va se faire maintenant du Made in France avec un groupe qui arrive à faire un joli succès, alors que c'était quand même pas gagné d'avance. C'est Ultra Vomit, qui, si vous vous rappelez leur début, avait commencé dans du grind bien gras, bien délirant bien sûr, mais maintenant Ultra Vomit remplit des grandes salles. D'ailleurs, vous avez pu voir le CD DVD à l'Olympia qui est sorti là au printemps dernier. Et samedi, ils vont jouer en compagnie de Tagada Jones et de No One Is Innocent au Zénith, et je crois que c'est complet quand même. Ouais, bravo pour ce groupe. Bah tiens, on va se faire un grand moment de philosophie avec un petit extrait de Panzer Surprise, leur dernier album qui était sorti en 2017, avec ce fabuleux morceau. Ça, c'est de la parole de la chanson française, Un chien géant. Nous vivons tous dans le ventre d'un chien géant. Tout le monde le sait, mais personne ne dit rien du tout. Nous vivons tous dans le ventre d'un chien géant. Tout le monde le sait, mais personne ne dit rien. Go! Les génitaires l'ont même doté de tout. Les pouvoirs possibles et anormaux. ça, ça déménage. C'était Tagada Jones avec Les Cobayes, un extrait de l'album L'Envers du Décor qui était sorti en 2004. Juste avant, avec un texte très philosophique, Un chien géant, c'était un extrait de Panzer Surprise, le dernier album studio de Ultra Vomit. Et Ultra Vomit, avec Tagada Jones, accompagné de No One Is Innocent, seront au Zénith à Paris samedi soir et c'est complet. On va se remettre un petit peu de nos émotions avec la première nouveauté, quelque chose de beaucoup plus tranquille, puisqu'il s'agit du nouveau live de Joe Bonamassa. Encore un, vous allez me dire, c'est vrai que le garçon est très prolifique, c'est vraiment un staccanoviste de la musique, car il n'y a pas une année où il n'y a pas au moins un album studio et un live en même temps, souvent. Il va un petit peu à contre-courant, le garçon, quand on voit que maintenant, la plupart du temps, un artiste met 2 à 3 ans avant de sortir un album et avant de faire un prochain. Lui, il n'arrête pas. Est-ce que ces lives sont un petit peu redondants? Pas vraiment, parce qu'à chaque fois, ils trouvent toujours un autre biais, un album acoustique, un album centré sur un côté plus blues ou quelque chose comme ça. Donc cet album qui est tout chaud, tout bouillant, qui est sorti là vendredi, s'appelle Live at the Sydney Opera House. Donc avec le lieu quand même est un assez impressionnant pour qu'il mérite le fait d'un enregistrement. Et curieusement, c'est un enregistrement qui date non pas de son dernier album studio, mais de l'avant, puisqu'il a été enregistré en 2016. Et là, on y voit un Joe Bonamassa très blues rock, grand public, certes, mais c'est vraiment très très bien foutu. Et sur ce live, il y a par exemple une très belle version de Main Live Florida, le classique de Clapton, d'Eric Clapton, ce qu'on va se envoyer tout de suite maintenant. Mom was sleeping in the sun. Vous êtes bien sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 et vous écoutez Electric Shock, là, qui se l'est fait vraiment très blues, avec un petit extrait du dernier live de Joe Bonamassa live de Sydney Opera House. Et là, c'était une reprise d'Eric Clapton, Mainline Florida. Je pense qu'après ça, un petit peu de death metal, ça nous ferait peut-être pas de mal quand même. Et bien pour ça, on va revenir au dernier album de Death Awaits, Rapture Smites, avec un petit truc sympa qui décrase bien les oreilles. Carmageddon. Carmageddon, ça c'est un extrait de Rapture Smites, le dernier album des Lyonnais de Death Awaits. Eh bien, la suite ça va être une nouveauté, puis de Lyon à Lille, il y a qu'un pas, ça c'est la magie de la radio, sans quitter son fauteuil, on peut voyager. Tout à l'heure avec Joe Bonamassa, on était à Sydney, là, on est à Lille. C'est peut-être un peu moins glamour, mais ça reste sympa. Avec la deuxième donc nouveauté de la soirée, avec un groupe, si vous vous souvenez d'Electric Shock en 2014, on avait passé leur premier album. C'est un groupe qui s'appelle Alwed, un groupe de métal symphonique, donc qui existe depuis 2010. Et donc, qui vient de sortir son deuxième album. Enfin, qui vient de sortir. Si vous voulez, cet album, qui s'appelle The Machine and the Beast, est déjà sorti en 2017, mais en autoproduction. Et là, il est ressorti vraiment de façon un peu plus officiel, va-t-on dire. Voilà. Donc, c'est du métal symphonique vraiment de qualité, hein, qui n'a pas à rougir avec tout ce qui se fait, je pense, beaucoup en Hollande et Outre-Rhin. Donc, l'album, je vous disais, il s'appelle The Machine and the Beast, et on va en découvrir un extrait ce soir avec le morceau Amphis Baena et sa petite intro, Enter the Other One Inside. The dust, daily coils fall, and the glittering Quel dommage que ce soit si court, malheureusement, ce EP de Remember the Light, The Outcome, puisqu'il ne contient que 5 titres, enfin 6 si on compte l'intro, et qu'on a déjà presque tout diffusé, et vraiment, c'était une agréable découverte. C'était le morceau, par contre, Stand Up for What You Are. Et juste avant, une petite nouveauté, c'est la deuxième de la semaine. Dans le même style que nous vient de Lille, le groupe Alouette et son deuxième album The Machine and the Beast, qui est déjà sorti en 2017, mais qui là bénéficie vraiment d'une véritable sortie. Et on a eu le morceau Amphis Baena avec la petite intro Enter the Other One Inside. Changeons complètement de style avec quelque chose de beaucoup plus métal, avec une légende du heavy metal. On va revenir au triple, fabuleux triple live d'Halloween qui est sorti là il y a pas longtemps et qui va hanter Electric Shock pendant des semaines, voire même des mois. Je pense que oui, d'ici début 2020 encore, vous allez en avoir encore plein les oreilles. Ce fabuleux triple live comprend donc le concert de Madrid sur deux CD, et un CD bonus avec quelques titres qui ont été joués que quelques fois, parce que bon, la setlist changeait un petit peu. Par exemple, il y avait des titres comme March of Time, Kids of the Century, Why, et le morceau Pumpkins United, premier morceau inédit, donc de Halloween New Look, en fait, avec les anciens membres, voilà. Tiens, aussi, un petit conseil aussi, si vous êtes fan d'Halloween, l'achat du DVD est également indispensable, car c'est pas tout à fait la même chose que le CD audio. Le DVD contient, les deux premiers DVD contiennent un concert enregistré à trois endroits. On y retrouve Madrid, bien évidemment. On y retrouve des extraits du Brésil, Sao Paulo, et du Wacken. Donc vous avez de temps en temps un morceau du Wacken, etc. Mais en fait, le tout passe très très bien. J'avais peur que ça paraisse un petit peu décousu. Et en fin de compte, vraiment, on a trois atmosphères différentes et tout se suit de façon vraiment cohérente. Et il y a un troisième DVD qui contient encore des extraits de d'autres concerts. Et puis après, tous les petits bonus qui vont bien, des interviews des musiciens, etc. Alors après, ça, je peux pas vous en parler encore parce que j'ai pas encore tout visionné. Mais bon, je vous dis, si vous êtes fan d'Halloween et que vous savez pas quoi vous faire offrir à Noël, le CD audio plus le DVD, ce sont vraiment indispensables. Et ben tiens, on va se faire un petit extrait du United Live in Madrid, comme je vous le disais. Et on va faire un morceau bonus. On va se passer un petit extrait. Kids of the Century. Kids of the Century qui a été joué à Paris d'ailleurs. On a eu cette chance là au mois de novembre. Et Kids of the Century, c'est pas vraiment un classique. C'était un morceau qui figurait sur Pink Bubbles Go Up à l'époque, qui était l'album où Halloween normalement devait casser la baraque après le succès des Keepers. Mais bon, des soucis juridiques ont fait que Halloween n'a rien pu sortir pendant 3 ans. À l'époque, c'était très long, à la fin des années 80, du coup. Et le Pink Bubbles Go Up, quand il était sorti en 91, il avait déçu pas mal de fans, moi aussi, même si c'est des trucs assez sympas quand même. Et par exemple, Kids of the Century, bon, ça le fait quand même. Et puis bon, peut-être qu'il fera peut-être lui redonner une chance à cet album. En attendant, en live, ça sonne la mort. We'll be right back. Wigad. Ouais, vous voyez. Vous venez de me prendre en flagrant délit en train de chanter. J'imagine que c'était la même chose pour vous dans votre salon, parce que si on ne chante pas sur ce morceau-là, ben franchement, je vois pas. Power, un classique d'Halloween, extrait donc du United Alive in Madrid, sorti il y a quelques semaines. Et juste avant, Kids of the Century, extrait donc du même live. Il est déjà 20h08 sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 et vous écoutez bien Electric Shock, l'émission qui frappe et qui grille les neurones tous les mardis soirs entre 19h et 21h. C'est vrai que ça passe très très vite hein, déjà. Et ben maintenant on va se faire une nouveauté, la troisième de la soirée, avec un groupe dont je crois bien que c'est la première fois que nous passons dans Electric Shock. Pourtant c'est comme un des poids lourds du rock actuel. Je sais que c'est un groupe qui fait plutôt polémique, c'est de Blink-182 que je vais vous parler. Le groupe punk pop, entre guillemets, je sais que les vrais fans de punk ont la crête qui se hérisse dès qu'on leur parle de ce groupe. Moi-même, je dois avouer que je suis pas acharné non plus, même si quand on entend un ou deux titres comme ça, ça passe bien. Et ben, il se trouve que j'ai reçu donc le dernier album, qui s'appelle donc Nine, qui est sorti donc fin septembre. Et donc, à l'écoute, c'est vrai que bon, il y a des petites choses sympas qui mériteraient d'être passées en radio. Pas de radio comme de radio arc-en-ciel, mais je pense à des radios plus généralistes, car je pense qu'il y a des sonorités qui pourraient ne pas déplaire à la jeunesse d'aujourd'hui, car la prod de Blink 182, je ne connais pas très bien les précédents, c'est très actuel, on va dire. Mais enfin, bon, il y a des choses sympas. Je pense qu'en concert, ça doit être quand même assez remuant et on doit passer comme un bon moment. Enfin, un petit extrait de cet album quand même, ça s'appelle Pin the Grenade. Off the ledge, you're leaving me. Right now, it feels like you're bleeding me. Try, slow down. You took away a piece of me. I don't wanna let go, don't wanna let go. Jump hold, I'm running out of oxygen. Tight rope, tonight it's like I'm walking on air. Black smoke, coming from the underground. I don't wanna let go, don't wanna let. Hey, wait, pin the grenade. How could you talk to me like that? Let's stop. You change your mind and call a ride home. You dropped a hint that I embarrass you. I don't wanna let go, don't wanna let go. Midnight, I'm underneath the landslide. Fast life, I'll leave you on the side of the road. You cried, this isn't what you promised me. Don't wanna let go. Another night before I'm lost and all alone. If you're gonna kill me, baby, please just do it slow. Just another night before I'm lost and all alone. If you're gonna kill me, baby, please just do it slow. Hey, wait, be in the grenade. If you don't love me, out of my face. Mur de planche. Les Nantais de Parpaing-Papier avec le EP Tester des casques. D'ailleurs, Tester des casques qui a eu l'honneur d'être dans les découvertes de Rockhard de ce mois d'octobre. Excusez du peu. Et c'était le morceau qui donne son nom, donc OEP. Juste avant Parpaing-Papier, c'était la troisième nouveauté de la soirée. Les Américains, qu'on ne présente plus, de Blink-182 et leur album 9, leur 9e bien sûr. Et c'était le morceau Pin the Grenade. On change à nouveau de style, et oui, parce que c'est ça, Electric Shock, c'est un petit survol un peu de tous les genres et les sous-genres qui composent notre style musical préféré. Il y en a tellement que il y a de quoi faire. Et là, on va se faire du progressif, un peu, avec le nouvel album de Flying Colors. Flying Colors, je vous rappelle donc que c'est la réunion de Cador dans le genre, puisqu'on y retrouve Mike Portnoy, le staccanoviste du métal progressif, depuis son départ de Dream Theater, maintenant il y a presque 10 ans, on ne compte plus les projets auxquels il a pris part. Il y a également avec lui, on y retrouve à la basse, par exemple, Dave LaRue, qui a longtemps joué avec Steve Vai. On y trouve à la guitare Steve Morse de Deep Purple, pareil, qu'on ne présente plus. On y retrouve au chant, par contre moins connu, Kazem McPherson, qui vient d'un groupe plutôt alternatif qui s'appelle Alpha Rev. Et on y retrouve également un grand monsieur du rock progressif, puisque Neil Morse au clavier aussi, Neil Morse expose Bird et Transatlantique. Et donc tous ces gens-là, vu leur emploi du temps chargé, ont trouvé comme le temps de se réunir. Moi, je n'attendais pas un troisième album à ce que je vous ai dit ces dernières semaines, puisque les deux premiers étaient, le premier était sorti en 2012, le deuxième en 2014, et depuis plus rien. Enfin, ce Third Degree. Même si Flying Colors, c'est une tentative de faire du prog pop entre guillemets, on peut pas résister quand même, vu les pointures qu'il y a, à faire quand même un vrai morceau de prog dans toute sa splendeur, digne de Yes, de Genesis, comme ce Last Train Home. Tiens, on va le dédier à Chris des Iron Troopers, qui est un fan, je sais, de ce style. stack your list of all the past upon you. Blow a kiss, you're not remiss to throw your love away. While I'm waiting for the day heaven's hallowed hunkered heart is hoping for a halo. Princess plays her perfect part and pines for yesterday. While I n'y a pas à dire, là on est parti loin, vraiment très très loin, on n'a pas vu le temps passer. C'est clair que ces 10 minutes 32 sont passées vraiment comme un éclair, tellement c'était magnifique. C'était Last Train Home, un extrait du fabuleux Third Degree, le troisième album de Flying Colors, ce qu'on appelle un super groupe du rock progressif. J'espère qu'ils nous feront une petite tournée pour promouvoir cet album. Et ouais, il nous reste déjà presque plus qu'une demi-heure d'émission, hein. C'est, le temps passe très très vite. On va se faire quelque chose de beaucoup plus rock avec une de ses dernières sorties, une des grosses sorties très attendues. C'était le sixième album de Alter Bridge que je vous ai présenté la semaine dernière, qui vient de sortir, Walk the Sky. Donc le groupe très régulier, tous les trois ans, pof pof pof, pour l'instant, depuis 2004, on n'est pas déçus. Rien de bien neuf sous le soleil d'Alter Bridge, mais c'est toujours bien fait, c'est toujours pro, c'est toujours... Du coup, ça passe très très bien et... C'est vraiment un groupe à voir. Tiens, d'ailleurs, ils seront en concert prochainement à l'Olympia. Ce sera le 9 décembre prochain. En attendant, on va se faire un petit extrait qui s'appelle In the Deep. faisait quelques semaines qu'on n'avait pas passé. Un petit extrait de Mother Brain, l'excellent quatrième album de Crobot avec le morceau La Destroyer. Juste avant Crobot, Alter Bridge avec In the Deep, extrait de Walk the Sky, un très bon album, comme d'habitude, on va dire. Voilà. Eh bien, on va revenir à ce qui était une des nouveautés de la semaine dernière, deuxième album studio de The Magpie Salute. Magpie Salute, qui pour petit rappel, c'est le nouveau projet de Chris Robinson, l'ancien guitariste des Black Crowes, qui revient un petit peu dans le même style, même si ça, c'est un petit peu plus blues et un peu moins psyché que ne pouvait l'être son groupe d'origine. On va donc revenir à High Water 2 et on va se faire un morceau blues quasi acoustique qui s'appelle You and I. Both know how high it goes. In the night we walk. my arms no more. Cause it certain like it did before. The tracks I made are ce Love in Vain des Roots, repris par Tio Manuel sur son dernier album The Seventh Road. Juste avant, c'était The Magpie Salute et son album High Water 2 et le morceau You and I. Et ben, va tout le temps de se faire la quatrième et dernière nouveauté de la soirée. Et là, on va revenir à la rubrique Faisons du neuf avec du vieux, comme avec Motorhead. Par exemple, cet été, vous vous rappelez que vous avez sorti la Stage Fright, qui était ni plus ni moins que la réédition du DVD de concert de 2004 avec son CD audio. Là, ce soir, ça sera la réédition de Overkill pour les 40 ans de la sortie de cet album mythique. Overkill est ressorti dans une version double CD. Alors, le premier CD contient donc la version remasterisée. C'est la même que celle de 2004 qui était sortie sur Sanctuary à l'époque. Là-dessus, ça n'apporte rien. Mais ce qui est intéressant, c'est le deuxième CD qui contient un live inédit de Motorhead à l'époque en 79, enregistré donc à Aylesbury Fair le 31 mars de cette année-là. Et croyez-moi, même si vous avez le Overkill sous toutes ses formes et toutes ses déclinaisons, rien que pour ce live, ça vaut le coup, car ce live inédit arrache tout sur son passage et montre qu'à l'époque Motorhead, eh ben, c'était vraiment, comme vous pouvez dire, c'était comme Attila, partout où il passait, l'herbe ne repoussait pas. Donc on y trouve sur ce live donc des extraits d'Overkill, bien évidemment, et du premier album. Et je nous ai choisi donc deux petits extraits de morceaux pas très courants d'Overkill. Parce qu'Overkill, on pense tout de suite aux morceaux type Stay Clean, Capricorn, No Class et Metropolis, qui sont vraiment les morceaux qui ont été joués au fur et à mesure des années. Par contre, un petit Damage Case, c'est un morceau quand même quelque peu oublié. Donc Damage Case en live par Motorhead, voilà ce que ça donne. We'll initiate. To repeat it, for fuck's sake. Hang on, I'm not quite loud enough. Turn it up. Up is the only way. Semaphore for I Won't Pay Your Price. Oh, sauvage Destroy, n'est-ce pas, que ces versions live de I Won't Pay Your Price et Damage Case, qu'on peut trouver donc sur la réédition de Overkill. C'est sur le CD bonus Live at Aylesbury Fair 1979, donc sorti vendredi. Et puis, bah, si vous êtes sage, la semaine prochaine, dans les nouveautés, vous aurez Bomber qui est ressorti également dans la même version. Ah, il va être temps de se quitter. Allez, on se fait un dernier morceau pour, avant de se dire au revoir. Eh ben tiens. Et si on terminait l'émission avec Slipknot, ça vous dit? Eh ben on va terminer avec un petit extrait de We Are Not Your Kind, ce qui s'appelle Orphan, et ce sera le morceau de la fin. fan de Slipknot. Voilà, donc ce sera le dernier morceau d'Electric Shock ce soir. Eh bien, merci encore une fois d'être fidèle à ce rendez-vous. Et je vous dis donc à la semaine prochaine avec bien sûr d'autres nouveautés. Et puis des surprises comme toutes les semaines, bien évidemment. D'ici là, écoutez plein de métal et Radio Arc-en-Ciel, bien évidemment. Salut à tous!